pour ceux qu'on regarde de travers. J'ai les mots dans le sang et le mic dans les mains. C'est à travers les temps que j'ai la force près des miens. T'as la haine dans le sang, la révolte vient des tiens. Mais bouger maintenant ne nous mènera à rien. D'idée yo ma haine, si un seul pas même combat. J'en habite, t'as spirit, t'as fait flex MC Hall. GH qui sourit, la platine s'arrête pas. Sous le toit du Rapinji, tout s'abrite tous les halls. Jeunes, redressons la tête, l'avenir nous appartient. De la France aux Comores, faisons face à demain. Et ne soyons pas bêtes, même si tout n'est pas bien. La vie est un trésor, et je ne rendrai pas le mien. J'ai fait mes choix, ma vie, et je reste anonyme. Comme des millions ici, nos vies ne tiennent à rien. On marche a priori, au rythme de nos rimes. Les cordes vocales nous lient, anonymes citoyens. Ils arrêtent nos frères, croyant que ça pourra nous faire taire. Et pleurant nos sœurs et faisant de la misère. Un mode de vie où chacun se dit frère. Mondialisation égoïste, ça me fait peur. Ils arrêtent mes frères, croyant que ça pourra nous faire taire. Et pleurant nos sœurs et faisant de la misère. Un mode de vie où chacun se dit frère. Frère. Putain, ça me fait chier de nous voir évoluer dans cette société. Je ne peux plus supporter tous ces hypocrites. Quelle est moins ta politique? Sérieux, ça me casse les couilles de voir tous ces gens qui nous mettent la douille. Rien à foutre de jouer l'embrouille et donner la trique à tous ceux qui aiment la critique. Sérieux, cette société me donne la diarrhée. A tous ces courbissons, j'aurais elle, son goku, ils foutent des coups. Je peux peut-être paraître pour un prophète, mais un mal domine ce monde. Ce millénaire me rend réfractaire et à me prendre pour un visionnaire. La guerre me donne le mal de terre. J'ai ma peur que ma vision s'arrête à un air mortuaire. Peut-être qu'à des années-lumière de cette terre, des gens d'eau préparent nos sanctuaires. Où crèchent tous ces philosophes de lumière qui éclairent nos lanternes? Comment t'expliquer mon ressenti sur ce beat? Ils arrêtent nos frères, croyant que ça pourra nous faire taire. Et pleurant nos sœurs et faisant de la misère. Un mode de vie où chacun se dit frère. Mondialisation égoïste, ça me fait peur. Ils arrêtent mes frères, croyant que ça pourra nous faire taire. Et pleurant nos sœurs et faisant de la misère. Un mode de vie où chacun se dit frère. T'as oublié le temps, celui qui brise la glace, celui qui efface les traces, celui qui laisse la place à un monde meilleur. Tu vois, j'y crois encore, même si les souvenirs de malheur restent encore un peu. Avant que le fourgon blindé ne t'embarque, au final il en faut peu pour que la révolte s'emballe. Remballe ta rancœur, ta haine et tes préjugés. Ouvre juste ton cœur, il voit la meilleure des armées. Arpenter les rues n'aura pas servi à rien. C'est la démarche classique des anonymes citoyens. Anonyme dans la masse, mais à la parole si critique qu'elle explose dans tes bas, fait grimper l'adrénaline des flics. Fiché au RG, motivé dans les AG, exposé face au parquet à la recherche de l'intérêt général. Crache sur l'oppression, ses lieutenants sont généraux. Le verbe acerbe, pourtant si calme en général. Délivrant un discours d'amour qui célèbre le coup 20e étage de ses tours. Tu peux chier sur ce monde, mais pas sur l'avenir de nos enfants. On est garant du changement, tout en relativisant. Car individuellement, on a tous nos contradictions. Il en va de même pour la nation et sa gestion. La meilleure chose pour améliorer le système, c'est de nous améliorer déjà nous-mêmes. Les prisons, on a le plus de difficultés à s'évader. Ce sont celles de nos certitudes qui nous enferment à perpétuité. On est là, avec nos histoires singulières et nos différentes personnalités. Ça ne nous a pas empêchés de tous nous rassembler. En menant ce combat, humblement, modestement. Le dialogue, première étape pour le vrai changement. Anonyme citoyen. Anonyme citoyen. Anonyme.